Le théâtre populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand, Clérambard, une pièce en quatre actes de Marcel Aimé. Avec la distribution suivante, comte Hector de Clérambard, Jacques Duménil, vicomte Octave de Clérambard, Jacques Duby, Saint-François d'Assise, Jean Topard, le curé, Georges Cuzin, maître Galuchon, Georges Adet, le docteur, Jacques Thierry, comtesse Louise de Clérambard, Huguette Duflot, Madame de Léré, Marcel Inia, la langouste, Doradol, Madame Galuchon, Lordiana, Evelyne Galuchon, Gisèle Touret, Étiennette Galuchon, Sylvine Delannoy, Brigitte Galuchon, André Gire, et la récitante, Olga Nilza. Réalisation, Roger Dattis. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Le romancier truculent de la table aux crevés, de la jument verte, du chemin des écoliers et de Travelinges, le savoureux écrivain des contes du chat perché, apporta au théâtre la même ironie, la même verve satirique, le même goût du vermeilleux, et aussi une tendance au non-conformisme qui révélait une âme loyale et éprise de justice. En somme, sa production dramatique prolonge son œuvre romanesque. Pourtant, il lui fallut attendre 16 ans avant de voir le triomphe de sa première pièce, Lucienne et le boucher, caricature impitoyable de la vie provinciale, avec ses prétentions, ses affaîtreries et aussi ses amours clandestins. On n'a pas oublié le remous provoqué par La tête des autres, où l'auteur, non sans prudence, s'en prenait à la magistrature. Mais Clérambard me paraît encore aujourd'hui ce que Marcel Aimé a donné de meilleur à la scène. Et l'on a dit avec raison qu'il balayait ainsi les conventions, les timidités, les faux-semblants et attaquait de front les problèmes de la vraie humanité. Clérambard se développe entre les signes alternés de Saint-François d'Assise et du Père Ubu, a-t-on dit. Certes, je crois que Marcel Aimé porte en lui le goût du canular. Mais l'intention pouvait lui aliéner les âmes bien pensantes et un tel examen caustique d'une doctrine de la grâce faire peser sur son nom un silence déprimant. Eh bien non, son ironie, sa nonchalance apparente et sa virtuosité ont su garder à l'ouvrage une finesse souriante qui désarme l'esprit partisan. Les personnages sont un peu épais, mais vigoureux, anormaux, mais humains. Et l'évolution de l'âme de ce hobereau ruiné, despote et paillard, jusqu'à un mysticisme effarant, donne matière à une farce trépidante, au tableau haut en couleur et dont l'extravagance mêlée de vérité atteint une puissance comique incomparable. Clérambard fut un grand succès de théâtre, et Jacques Duménil, qui interprète ce soir le principal rôle, y fut bien pour quelque chose. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai choisi l'ouvrage, non. C'est parce que Clérambard demeure l'œuvre la plus représentative de l'art d'un écrivain alerte, spirituel, qui doit à son sens critique, à sa malice de terroir, mais aussi à sa haute conscience, la place qu'il occupe dans l'histoire littéraire de nos jours. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, le 10 avril à 14h30 sur les ondes de la chaîne France 3, juin 44, vous présentera La Sybarite de M. Jean Hervé. Et maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous dis bonsoir.